إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Ceci est le quatrième cours, les cours basés sur le livre du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah intitulé Tabsir al-Nasik bi Ahkami al-Manasik, l'apprentissage des rites du pèlerinage. ثم قال المؤلف حفظه الله المستحبات في الحج والعمرة. Donc le Cheikh Hafidhahullah, après avoir cité les mérites du pèlerinage, les conditions du pèlerinage, les piliers du pèlerinage et de la Umrah, les obligations du pèlerinage et de la Umrah, il cite les actes recommandés. Al-Mustahabbat fil Hajj wal Umrah. Al-Mustahabbat huya al-Mandubat allati yanbaghi lil Hajj wal Mu'tamir al-Itiyan biha liyaghfara bi thawabiha wa ajriha. ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك والاستلام واستلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا والشرب من ماء زمزم والصعود على الصفا والمروة والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة والإسراع في السعي بين العلمين والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. Donc il dit, hafidhahullah, les actes recommandés pendant le pèlerinage et la umrah. Al-mustahabbat hiya al-mandubat. Les actes recommandés, c'est ce qui est préférable de faire. Ce sont les actes que le pèlerin et celui qui accomplit la umra lui est recommandé de faire afin de percevoir et d'obtenir la récompense de ses actes. Et en délaissant ses actes, il n'a pas de compensation, il n'a pas de bête à sacrifier, contrairement aux obligations. Wala yalhaquhu ithm, et en délaissant et en ne faisant pas ces actes recommandés, il n'a pas de mauvaise action à son actif. Illa idha kana tarakaha raghbatan anha, sauf si, donc il y a une exception, il n'a pas de péché en délaissant ses actes recommandés, sauf s'il les délaisse dans le but de se détourner de ses actes et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi, autrement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce qui est voulu par la sunna dans ce hadith, c'est tout ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un acte obligatoire, que ce soit un acte ou que ce soit un acte recommandé. Ou que ce soit un acte recommandé. Celui qui délaisse une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas parce que il ne fait pas cela par, il ne délaisse pas où il délaisse par fainéantise, où il délaisse par fatigue. Dans ce cas, il n'a pas de péché en délaissant une sunna pour ces raisons. Quand on dit sunna, c'est les actes recommandés. Par contre, s'il délaisse même des actes recommandés dans le but de se détourner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, dans ce cas, il commet un péché. Et Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit que les actes recommandés pendant le Hajj et la Umra sont nombreux. Et il en énumère quelques-uns. Minha ar-ramal. Ar-ramal, c'est le fait d'accélérer le pas. Ar-ramal et al-ittiba'. Ar-ramal, c'est le fait d'accélérer le pas pendant le premier tawaf, que ce soit le tawaf de la Umrah pour le mutamatti' ou que ce soit le premier tawaf pour le qarin ou le mufrid, appelé tawaf al-qudum. C'est le tawaf que fait le pèlerin lorsqu'il arrive à la Mecque. Dans ce premier tawaf, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les actes recommandés, c'est d'accélérer le pas pendant les trois premiers tours. C'est entre la marche et la course. Et les savants disent, c'est le fait d'accélérer le pas en rapprochant les pas. Et al-ittiba', lui, a lieu pendant les sept tours, pendant la totalité du tawaf, pendant toute la durée du tawaf. Et al-ittiba', c'est le fait de découvrir son épaule droite. En passant son rida, donc l'étoffe qui couvre la partie supérieure du corps, en passant son rida sous son aisselle droite et en le déposant sur son épaule gauche. Ainsi, le pèlerin a son épaule droite découverte. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de couvrir les deux épaules en dehors de tawaf al-qudum. En dehors de ce tawaf, le pèlerin a les deux épaules couvertes. Et notamment, il se doit de couvrir ses épaules lorsqu'il prie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier sans que les épaules soient couvertes de son vêtement. Et ceci concerne le pèlerin comme celui qui n'est pas pèlerin, c'est un jugement général. Wa taqbilu al-hajar al-aswad, également fait partie des actes recommandés, le fait d'embrasser la pierre noire pendant le tawaf, ou bien de le toucher, ou bien de la toucher, ou bien de faire un signe vers celle-ci. Et également fait partie des actes recommandés le takbir, au moment où tu passes devant la pierre noire. Également, donc, et la pierre noire, il y a le athar de Omar, radiallahu anhu, que l'on a cité pendant la khutbah de Jumu'ah, qui s'est adressé, qui a embrassé la pierre noire et s'est adressé à cette pierre en disant que tu es une pierre qui ne peut ni apporter de bien, ni apporter de mal, et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Également de toucher le coin yéménite, pendant le tawaf, pendant chaque tour du tawaf, si cela est possible. Et le coin yéménite a été appelé le coin yéménite car c'est le coin de la Kaaba qui pointe vers le Yémen, autrement dit qui pointe vers le sud de la Mecque. Également, l'accomplissement des deux unités de prière après le tawaf. Après le tawaf, il y a les deux unités de prière à accomplir derrière le maqam de Ibrahim. Et ces deux unités de prière sont recommandées. Que ce soit un tawaf qui fait partie des piliers du Hajj, comme tawaf al-Ifada, ou bien que ce soit une obligation, comme quel tawaf? Tawaf al-wada', comme on l'a vu hier, que tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, est une obligation du Hajj uniquement et non pas de la Umrah. Et également que ce soit, même si c'est un tawaf recommandé, mustahab, comme tawaf al-qudum, comme tawaf al-qudum pour le mufrid ou le qarin, pour le mufrid ou le qarin. Également, parmi ces actes recommandés, le fait de boire de l'eau de zemzem, notamment après avoir fait le tawaf et après avoir accompli pour la Umrah, et après avoir accompli les deux unités derrière le maqam d'Ibrahim, alors il est recommandé d'aller boire de l'eau de zemzem. L'eau de zemzem qui est une eau bénie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure eau qu'il y a à la surface de la terre. Khayru ma'in ala wajhi al-ard ma'u zamzam. Également le fait de monter sur les monts As-Safa et Al-Marwa, lorsque l'on fait les allées-venues, le fait de monter sur les monts est un acte recommandé. Également le rappel et les invocations que l'on fait lorsque l'on se trouve au-dessus de ces deux monts et en direction de la Qibla. Également fait partie des actes recommandés le fait de courir dans le sa'i entre les lampes vertes, entre l'endroit délimité par les lampes vertes. Également de rester à Mina le jour de Tarwiya qui est le huitième jour de Dhul Hijjah, qui est le premier jour des jours du Hajj. Donc le fait de rester à Mina le huitième jour n'est pas une obligation du Hajj, mais un acte recommandé, et cela concerne le jour comme la nuit. Yani le huitième jour et le soir du huitième jour également. Fait partie des actes recommandés également le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lever ses mains après avoir lapidé la première stèle et la deuxième stèle, la petite stèle et la grande et la moyenne stèle pendant les jours de Tashriq. On avait vu hier que pendant les jours de Tashriq, on lapide les trois stèles et que cela fait partie des obligations du pèlerinage, de lapider les trois stèles pendant les trois jours de Tashriq pour celui qui reste trois jours et les deux jours pour celui qui reste deux jours. Et le fait de, après avoir lapidé la première stèle, la sunna, et de se décaler vers la droite et de lever ses mains et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala longuement. Ceci est un acte recommandé, que ce soit après la lapidation de la première stèle et de la deuxième stèle. Également le fait de faire le takbir à chaque lancée, lorsque l'on lance les pierres, les sept pierres devant chaque stèle, eh bien le fait de prononcer le takbir après avoir lancé ou au moment de lancer les pierres, cela est un acte recommandé. Wa ghayru dhalik, et bien d'autres actes qui font partie des actes recommandés du pèlerinage. Et lorsque l'on dit acte recommandé, cela ne doit pas sous-estimer, le pèlerin ne doit pas sous-estimer ses actes. Et celui qui accomplit le pèlerinage se doit de s'efforcer d'accomplir autant d'adorations que possible et autant d'actes recommandés que possible. Car plus le pèlerin accomplira des actes recommandés et plus son pèlerinage sera complet et plus sa récompense sera grande. Et parmi les bénéfices d'accomplir des actes recommandés, il y a le fait que les actes surérogatoires viennent compléter les manquements que la personne aurait pu faire pendant les actes obligatoires. pendant les actes obligatoires. Et dans le hadith, la première chose sur laquelle sera jugée la personne le jour du jugement, c'est la prière. فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل. Si elle est bonne, alors il pourra être jugé sur le reste de ses actes. Et si elle est mauvaise, Allah Azza wa Jalla dira: انظروا هل لعبدي من تطوع. Regardez si mon serviteur a accompli des actes surérogatoires afin de compléter le manque qu'il a fait et qu'il a commis dans ses actes obligatoires. Donc les actes surérogatoires, il ne faut absolument pas les négliger. Et à la base, de demander sur les actes à chaque fois, lorsque tu entends un hadith du prophète sallam, le fait de demander, oui, mais est-ce que cela est obligatoire ou surérogatoire ? À la base, cette question ne se pose pas. Est-ce que les compagnons du professeur sallam, lorsque le professeur sallam leur parlait, l'interrompaient et lui disaient, mais est-ce que cela est obligatoire ou surérogatoire ? Autrement dit, si c'est obligatoire, je le fais, et si ce n'est pas obligatoire, eh bien, je me réserve la possibilité de ne pas le faire. À la base, cela ne se pose pas. Quand est-ce que cette question se pose ? Lorsque tu ne l'as pas fait. Lorsque tu n'as pas fait tel ou tel acte, c'est là où tu te poses la question, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un acte surérogatoire ? Si c'est une obligation, eh bien, tu regardes si tu dois ou non apporter une compensation. Si c'est un acte recommandé, dans ce cas, il n'y a pas de compensation à faire. ثم قال حفظه الله المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن منازل قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، فقال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاد، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. الجي حفظه الله. Les délimitations terrestres et temporelles pour accomplir l'ihram pour le Hajj et la Umrah. Autrement dit qu'il y a des délimitations à la fois terrestres et temporelles. C'est-à-dire que pour être en état d'ihram, il faut que l'ihram ait lieu dans un moment précis et à partir d'un lieu déterminé. Que l'ihram a lieu dans un moment déterminé et à partir d'un lieu déterminé. Il dit, hafizahullah, que les délimitations terrestres sont les endroits à partir desquels il est obligatoire pour celui qui les traverse en voulant accomplir le hajj ou la umrah d'être en état de sacralisation. Et ces délimitations terrestres ont été expliquées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens de Médine Dhul Hulayfa, le miqat de Dhul Hulayfa, qui est le plus éloigné des mawaqit de Mecca, qui est la délimitation terrestre la plus éloignée de la Mecque, qui se trouve à peu près 420 km de la Mecque et à peu près à une dizaine de kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa li ahli al-Sham al-Juhfa, et pour les gens du Sham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme délimitation terrestre pour eux al-Juhfa, qui est proche d'un endroit appelé Rabir actuellement et qui se trouve sur la côte ouest de l'Arabie, notamment au bord de quelle mer? De la mer Rouge. Wali ahli Najdin qarn al-manazil, et pour les gens de Najd, donc pour l'est de l'Arabie, le prophète sallam a défini pour eux le miqat de qarn al-manazil. Et pour les gens du Yémen, le prophète sallam a défini Yalamlam, qui se trouve au sud de la Mecque et qui est connu aujourd'hui sous le nom de As-Sa'diyya. Il y a là-bas une grande mosquée, et c'est un endroit appelé As-Sa'diyya, depuis lequel les gens venant du sud, accomplissent leur ihram de cet endroit. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ, et de toute personne qui passe par ces endroits, même s'ils ne font pas partie de leurs habitants, mimman arad al-hajj wal-umrah, pour celui qui souhaite accomplir le pèlerinage et la umrah. Ainsi, si tu veux accomplir le hajj et la umrah et que tu te trouves à Médine, il t'est interdit de dépasser le miqat de Dhul Hulayfa sans être en état de sacralisation. Pour les gens du Shem, le Shem qui est la région de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, et c'est notamment le miqat est Al-Juhfa, et c'est notamment le miqat également des gens de l'Europe, du Maghreb, de l'Égypte, etc. Car ils passent à proximité de ce miqat. Ainsi, pour ceux qui viennent d'Europe, par exemple, et qui veulent accomplir le pèlerinage ou la Umrah, ils doivent être en état de sacralisation avant d'arriver au-dessus, s'ils sont en avion, au-dessus de ce miqat, ou avant d'arriver à l'endroit le plus proche. Car on n'est pas forcément obligé de passer au-dessus de cette limitation. Le fait de passer dans l'endroit le plus proche, celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah doit être en état de sacralisation avant d'arriver à cet endroit. Et celui qui est en deçà, alors il fera son ihram de là où il se trouve, même les gens de la Mecque, depuis la Mecque, même les gens de la Mecque, depuis la Mecque. Et c'est un hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Cheikh Al-Abbad, hafizahullah, dit, et l'ihram des gens de la Mecque, depuis la Mecque, présent dans ce hadith, eh bien cela doit être assimilé à l'ihram du hajj, lorsqu'ils ont l'intention d'accomplir le pèlerinage. Alors, ils font l'ihram directement de chez eux. Quant au fait de vouloir accomplir la Umrah, lorsque les gens de la Mecque veulent accomplir la Umrah, ils doivent faire l'ihram, ils doivent être en état de sacralisation à l'extérieur de la terre sacrée, à l'extérieur de la délimitation de la terre sacrée. La terre sacrée est délimitée de façon extrêmement précise. La preuve est et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aïcha radiallahu anha de sortir de la terre sacrée, de se rendre à At-Tan'im afin d'y accomplir, afin d'entrer là-bas en état de sacralisation. Car Aïcha radiallahu anha a accompli le pèlerinage. Elle est partie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, en voulant accomplir Al-Qiran, en accomplissant le Qiran, c'est-à-dire en faisant la Umrah et le Hajj en même temps. Puis elle a été indisposée, radiallahu anha, et n'était pas pure avant le début du Hajj. Et celui ou la femme qui, par exemple, entre en tamattu', par exemple, entre en tamattu', avec l'intention d'accomplir le tamattu'. Elle arrive à la Mecque et elle est indisposée. Et elle est indisposée jusqu'au jour de Arafat. Dans ce cas, elle doit changer son intention. Elle doit changer son intention et passer soit en qiran ou bien en ifrad. Soit en qiran ou bien en ifrad, car elle n'aura pas la possibilité d'accomplir sa umrah avant le hajj, car elle n'aura pas la possibilité d'accomplir la umrah avant le hajj. Et donc Aïcha radiallahu anha était indisposée et n'a donc accompli que le pèlerinage. Et les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont accompagnée dans ce voyage ont accompli le pèlerinage et la umrah. Et elles étaient attristées de cela, radiallahu anha, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont venir avec une umrah et un hajj, et moi, je ne vais revenir qu'avec un hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné d'aller à l'extérieur de la terre sacrée, à At-Tan'im, afin d'accomplir la umrah, afin d'être en état là-bas de sacralisation et d'accomplir sa umrah, afin qu'elle retourne elle aussi en ayant accompli un hajj et un pèlerinage et une umrah. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha. Donc dans ces deux hadiths, les gens de la Mecque ont donc deux jugements différents. Lorsqu'ils veulent accomplir le pèlerinage, ils peuvent le faire de la terre sacrée. Et lorsqu'ils veulent accomplir la umrah, ils doivent être en état de sacralisation à l'extérieur de la terre sacrée. Ces quatre mawaqid, ces quatre délimitations terrestres, que sont Dhul-Hulayfa, le miqat des gens de Médine, Al-Juhfa, le miqat des gens du Sham, Qarn al-Manazil, le miqat des gens de Najd, Yalamlam, le hadith, le miqat des gens du Yémen, ces quatre mawaqid ont été cités dans le hadith de Abdullah ibn Umar rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ils ont été cités dans le hadith que l'on a vu précédemment, le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, Mais également, dans un autre hadith, le hadith d'Abdullah ibn Omar est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Quant au cinquième miqat, qui est le miqat appelé Dhatu Irq, qui est le miqat des gens de l'Irak, qui est le miqat des gens de l'Irak. Et il a été cité avec les quatre autres mawaqit dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par l'imam al-Nasa'i dans ses sunan, selon une chaîne de transmission authentique. Il a également été cité de façon indépendante, donc le miqat de Dhatu Irq, le miqat des gens de l'Irak, a également été cité de façon indépendante dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens de l'Irak le miqat de Dhatu Irq. Et la chaîne de transmission est également authentique. Quant à ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, lorsque ces deux villes ont été conquises, et ici les deux villes qui sont voulues dans ce athar, c'est Al-Kufa et Al-Basra, qui sont deux villes qui se trouvent en Irak. Lorsque ces deux villes ont été conquises, ils sont venus voir Omar, radiyallahu anhu, et ont dit au guide des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens de Najd Qarn, qui est Qarn al-Manazil. Mais c'est un endroit qui est à l'écart de notre chemin, qui est éloigné de notre chemin. Car l'Irak se trouve où par rapport à l'Arabie Saoudite? Par rapport à la Mecque, au nord-est. Et Qarn al-Manazil se trouve à l'est, même un peu plus vers, plus proche du sud-est. D'accord? Donc ceux de l'Irak qui viennent de l'Irak, si ils doivent passer par Qarn al-Manazil pour faire l'Ihram, cela leur fait un grand détour. Pour ça qu'ils ont dit qu'il est à l'écart de notre chemin, il est éloigné de notre chemin. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. Et si nous devions aller à Qarn al-Manazil, cela serait difficile pour nous. Omar radiallahu anhu leur a dit alors, فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَلِقِكُمْ. Regardez alors dans votre chemin le point qui se rapproche le plus de Qarn al-Manazil. D'accord? Vous tracez le chemin entre l'Irak et la Mecque, et vous regardez entre la Mecque et Qarn al-Manazil, et vous regardez dans le chemin entre l'Irak et la Mecque le point qui est le plus proche de Qarn al-Manazil. فَحَدَّ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. Et Omar radiallahu anhu a défini pour les gens de l'Irak le miqat de Dhatu Irq. Ceci de par son effort d'interprétation radiallahu ta'ala, et de cela de par son ijtihad, son effort de réflexion plutôt. Et cela fait partie des sujets et des cas dans lesquels Omar radiallahu anhu a eu raison et a coïncidé avec la réalité et la raison. Et ici, le Cheikh Al-Abad dit que Omar radiallahu anhu n'avait pas connaissance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que Dhatu Irq a été défini dans un hadith, le hadith de Aïcha avec les quatre autres, et dans un hadith indépendant rapporté par l'imam Abu Daoud. Et Cheikh Al-Abad dit que Omar radiallahu anhu n'avait pas connaissance de ce hadith, et qu'il a répondu aux gens de l'Irak par cela, et que par un effort de réflexion, et qu'il a eu raison dans ce qu'il leur a dit. Et Omar radiallahu anhu était muwaffaq dans plusieurs de ses positions. Et bien, le Coran est même venu pour affirmer et pour conforter sa position, notamment lorsqu'il a dit au professeur sallam, si les femmes se voilaient, et les versets du hijab sont des anges, et ainsi de suite. À la Kulli Hal, il y a une divergence des savants à ce sujet, ça on l'avait vu dans les cours de Taysir al-Alam. Certains savants considèrent que le hadith où le professeur sallam parle de Dhatu Irq sont faibles, et que Dhatu Irq est un miqat qui a été défini par Omar radiyallahu anhu. Et même s'il n'y a pas de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna et la sunna des califes bien guidés. Et parmi les califes bien guidés, il y a Omar radiyallahu anhu. وَمَنْ لَمْ يَمُرْ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيدِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ عِنْدَ مُحَاذَاتِهَا بَرًّا أَوْ جَوًّا أَوْ بَحْرًا وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمن الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكان الذي وصل إلى وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجوز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. Puis الشيخ العباد حفظه الله cite différents cas de figure concernant les délimitations terrestres et le fait d'entrer en état d'ihram. Il dit حفظه الله que celui qui ne passe pas par ces délimitations terrestres, alors il se doit d'entrer en état de sacralisation au moment où il arrive dans l'endroit le plus proche. Dans l'endroit le plus proche. Que ce soit de façon terrestre, que la personne soit sur terre, dans les airs ou en mer. Par exemple, ceux qui viennent en avion, on a dit d'Europe. Est-ce qu'ils passent pile poil au-dessus du Miqat al-Juhfa? Non, ils passent à proximité. Ils passent à proximité. Et lorsque le commandant de vol avertit les pèlerins que dans, par exemple, un quart d'heure ou dans 20 minutes, nous allons bientôt passer à proximité du miqat, il passe à proximité et non pas juste au-dessus. D'accord ? Pareil pour ceux, par exemple, qui viennent d'Égypte en bateau, ou ceux qui viennent d'Égypte en bateau, ils passeront à proximité du miqat. Et ne passeront pas pile poil au-dessus, car le miqat est sur terre ou en mer? Est sur terre. Celui qui vient en bateau, il ne peut pas passer directement par-dessus, surtout ceux qui arrivent directement au port de Jeddah. Et si la personne entre en état de sacralisation avant le miqat, son ihram Il est en état de sacralisation, mais il a délaissé ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'être en état de sacralisation dans l'endroit du miqat, dans l'endroit précis du miqat. Il est autorisé de le faire avant, mais le mieux est de le faire au niveau du miqat. D'accord ? Ayyub ibn Munzir, dans son livre Al-Ijma, a dit, et ils sont unanimes, que celui qui entre en état de sacralisation avant le miqat, qu'il est considéré comme étant en état de sacralisation. Quant à celui qui passe à proximité de ses délimitations terrestres, qui passe par ses délimitations terrestres, ou à proximité de ses délimitations terrestres, sans vouloir accomplir le hajj ou la umrah, alors il n'est pas obligatoire pour lui d'entrer en état de sacralisation. Il n'est pas obligatoire pour lui d'entrer en état de sacralisation, car il n'a pas l'intention d'accomplir le hajj ou la umrah. Comme cela est prouvé et comme cela est compris dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abdullah ibn Umar que l'on a vu précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mimman arad al-hajj aw al-umrah » pour celui qui veut accomplir le pèlerinage et la umrah. Donc c'est lui qui doit être en état de sacralisation au moment d'arriver au niveau de cette délimitation terrestre, au lieu de ce miqat. Quant à celui qui dépasse le miqat sans être en état de sacralisation, comme le yéménite qui passe par Yalemlem mais qui veut tout d'abord aller à Médine, personne qui vient du Yémen qui veut accomplir son pèlerinage ou la Umrah, mais il commence par Médine. Dans son trajet, est-ce qu'il va traverser le miqat ou pas? Oui, car le miqat se trouve entre lui et Médine. Donc il va traverser, il va passer ce miqat. Mais lui, ce qu'il veut, c'est d'abord commencer par Médine. En ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'il traverse le miqat sans être en état de sacralisation. De même, pour celui qui arrive à Jeddah en avion et qui a l'intention de commencer par Médine, quelqu'un qui veut faire la Umrah, il atterrit à Jeddah, mais il commence par Médine. Donc il aura dépassé le miqat sans être en état de sacralisation. Cela est autorisé car il commence d'abord par Médine pour aller visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, une fois son séjour à Médine terminé, c'est là où il se mettra en état de sacralisation dans l'endroit du miqat de Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. Il n'y a donc aucun mal pour ces personnes de traverser, de dépasser le miqat sans être en état de sacralisation. Quant à celui qui est en état de sacralisation, celui qui s'est mis en état de sacralisation au niveau du miqat, au moment où il s'approche, ou au niveau de l'endroit où il est le plus proche du miqat, et qu'après son arrivée à Jeddah, on lui ordonne de partir à Médine, alors il doit rester dans son état de sacralisation. Une personne qui part d'Europe, par exemple, pour accomplir sa Umrah, et il commence par la Mecque, donc il commence par sa Umrah, il se mettra en état d'Ihram lorsqu'il se rapprochera du miqat de Rabir. De Al-Juhfa est appelé aussi Rabir. Il sera donc en état de sacralisation. Arrivé à Jeddah, l'agence lui dit qu'il y a un souci au niveau de l'hébergement à la Mecque. et qu'il doit obligatoirement aller à Médine pour séjourner là-bas. Le séjour qu'il devait faire à Médine après la Umrah, eh bien, il n'a d'autre choix que de le faire avant. Eh bien, il doit rester en état d'ihram. Il restera en état d'ihram pendant tout son séjour à Médine, car il est rentré dans le rite, et on a dit que celui qui entre dans le rite ne peut pas le délaisser. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ et compléter le pèlerinage et la umra pour Allah. Ainsi, il ne lui est pas autorisé de se désacraliser sur le champ et de dire voilà, ben, on va à Médine, donc j'enlève mon ihram, je sors de mon état de sacralisation, je vais à Médine et de Médine, je me remettrai en état d'ihram au niveau du miqat de Dhul-Hulayfa. Non, il devra rester en état de sacralisation jusqu'à accomplir sa umrah de façon complète. Donc après avoir cité les délimitations terrestres, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, cite ensuite les délimitations temporelles. والمواقيت الزمنية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة وهي في العمرة شهور السنة كلها لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة وأما في الحج ففي أشهر وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فقال قال ابن عباس من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة إذا تم شهر شوال وذي القعدة و69 ليلة إذا نقص أحدهما و68 إذا نقص جميعا وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. Il dit, hafidhahullah, al-mawaqit al-zamaniya. Donc ce sont les moments dans lesquels il est possible d'entrer en état de sacralisation, que ce soit pour la umrah ou pour le hajj. Il dit, quant à la umrah, cela peut avoir lieu pendant tous les mois de l'année. Car aucune preuve n'est venue pour spécifier que la Umra a lieu dans des mois bien définis. Et à partir du moment où cette spécificité ou cette spécification n'est présente dans aucune preuve, eh bien, on reste sur la base que la Umra peut être accomplie pendant tous les mois de l'année. Quant au Hajj, quant au pèlerinage, il a lieu pendant ces mois, pendant les mois du pèlerinage. Et les mois du pèlerinage sont les mois de Shawwal, Dhul-Qi'dah et Dhul-Hijjah. Ce sont donc, le Cheikh Al-Arabat dit, et les mois du Hajj, ce sont Shawwal, Dhul-Qi'dah et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat. Le pèlerinage a lieu pendant des mois bien connus. Celui donc qui a pour obligation d'accomplir le pèlerinage pendant ces mois, alors point de rafet, on a dit que c'était d'avoir un rapport avec son épouse et tout ce qui le précède, point de perversité et point de dispute pendant le pèlerinage. Et ces mois du pèlerinage ont été cités dans le athar de Abdullah ibn Umar, que cite l'imam al-Bukhari dans le chapitre Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat, le chapitre qu'il a nommé le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Et il est également rapporté dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, selon une chaîne de transmission authentique. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son explication, dans son tafsir du Coran, a également attribué ce athar à Omar, à Ali, à Ibn Mas'ud, à Ibn Zubayr et à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum. Et Abdullah ibn Abbas a dit, l'on n'entre dans le pèlerinage que pendant les mois du pèlerinage. Fa'inna min as-sunnah, et fait partie de la sunna concernant le pèlerinage, d'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage pendant les mois du pèlerinage. Et ce athar est rapporté par l'imam Ibn Khuzaima dans son sahih, selon une chaîne de transmission authentique. Et le fait que Abdullah ibn Abbas dise fait partie de la sunna de n'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage que pendant les mois du pèlerinage. Le fait qu'un compagnon dise « fait partie de la sunna telle et telle chose », cela prouve que ce hadith, que cette parole de ce compagnon a le jugement du rafa. Qu'est-ce que le rafa? Que cette parole est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si un compagnon et tous les compagnons sont dignes de confiance, si un compagnon dit que fait partie de la sunna telle et telle chose, c'est qu'il a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. L'ihram pour le hajj, on entre en état de sacralisation pour le pèlerinage, cela commence de la première nuit du mois de Shawwal. Commence la première nuit du mois de Shawwal, et ce moment se termine au lever du soleil du dixième jour, du jour du sacrifice. Quand on dit la première nuit de Shawwal, en islam, les nuits précèdent le jour. Pour cela que lorsque l'on voit le premier croissant de lune de Ramadan, l'on commence le soir même à prier à Tarawih, car cette nuit est la première nuit du Ramadan. Et lorsque l'on voit le croissant de Shawwal, l'on ne fait pas à Tarawih ce soir-là, car c'est la première nuit de Shawwal. Donc, le moment où il est autorisé d'entrer en état de sacralisation pour accomplir le hajj commence dès la première nuit de Shawwal jusqu'au lever, jusqu'à l'apparition de l'aube. J'ai dit lever du soleil tout à l'heure, oui. Non, jusqu'à l'apparition de l'aube, Tulu' al-Fajr, jusqu'au Fajr du jour de l'Aïd, jusqu'au Fajr du jour de l'Aïd al-Adha. Et ici, Cheikh Al-Abbad dit, et ce moment dans lequel l'on peut accomplir l'on peut entrer dans le rite du pèlerinage ce moment est constitué de 70 nuits lorsque le mois de Shawwal et de Dhul-Qa'da sont des mois de 30 jours. Car on a, l'Abbad dit, les mois du Hajj sont le mois de Shawwal, de Dhul-Qa'da et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Donc si les mois de Shawwal et de Dhul-Qa'da sont des mois de 30 jours, eh bien ce moment dans lequel on peut entrer dans le rite du pèlerinage est constitué de 70 nuits. Il est constitué de 69 nuits lorsque l'un des deux mois de Shawwal ou de Dhul-Qa'da est de 29 jours. Et cette durée est constituée de 68 nuits lorsque les deux mois de Shawwal et de Dhul-Qa'da sont des mois de 29 jours. Et la première de ces nuits est la nuit de Eid al-Fitr. Et la dernière et la fin de ce moment est la nuit de Eid al-Adha. Et ceci est un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Parce qu'on te dit, c'est quoi le moment exact dans lequel on peut entrer dans le rite du Hajj? Tu dis, c'est de la première nuit de Eid al-Fitr jusqu'à la nuit de... C'est la nuit de Eid al-Fitr jusqu'à la nuit de Eid al-Adha. Et quand on dit la nuit de Eid al-Adha, c'est la nuit qui précède le jour de l'Eid. Autrement dit, c'est la nuit où les pèlerins sont où? Al-Muzdalifa. C'est la nuit dans laquelle les pèlerins sont à Al-Muzdalifa. Puis il dit, hafizahullah, et ce n'est pas une problématique de dire que les jours du Hajj s'étendent jusqu'aux 10 premiers jours de Dhul-Hijja, alors qu'il y a des actes du pèlerinage qui ont lieu le jour de l'Eid et pendant les jours de Tashriq. Et à l'écoute, il y a une divergence des savants à ce sujet, mais l'avis de Cheikh Al-Abed est celui-ci. Il dit qu'il n'y a pas de contradiction lorsque l'on dit que le Hajj commence de la nuit de Eid al-Fitr jusqu'à la nuit de Eid al-Adha. Alors que Jamrat al-Aqaba, on la lapide quand? Le jour de l'Eid. D'accord? Quand est-ce qu'on sacrifie la bête? Le jour de l'Eid. Quand est-ce qu'on lapide les trois stèles? Pendant les jours de At-Tashriq, qui sont les 11, 12 et 13e jour, donc bien après la nuit de Eid al-Adha. Il dit, il n'y a pas de contradiction dans cela, car ce qui est voulu, c'est husul al-ihram, c'est le fait d'entrer en état de sacralisation pendant ce laps de temps. Lorsque tu vas accomplir le pèlerinage, tu dois être en état de sacralisation pour accomplir le rite du pèlerinage pendant ce laps de temps. Car Allah Azza wa Jalla a dit, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ, si l'on décide d'y accomplir le pèlerinage. Donc d'y accomplir pendant les mois du pèlerinage. Et une personne qui veut accomplir le pèlerinage, est-ce qu'il peut le faire après le fajr du 10e jour? Non. Pourquoi? Car Arafat sera passé. Et on a vu hier que pour que la station à Arafat soit valide, il faut au moins rester, ne serait-ce que quelques minutes avant le fajr du jour de l'Aïd. Si la personne vient après le fajr du jour de l'Aïd et dit, voilà, moi je vais commencer le hajj, on lui dit, c'est trop tard. Tu ne peux plus accomplir ton pèlerinage, car les mois du pèlerinage sont terminés et de surcroît Arafat est passé, donc ton hajj ne saurait être accepté et ne saurait être valide. Et il dit, hafidhahullah, wa la yushkilu ala dhalika aydan, إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس لأن الأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم. Ici, Cheikh Al-Abbad expose une deuxième problématique. Car les savants qui disent que les jours du Hajj sont Shawwal, Dhul-Qi'da et Dhul-Hijjah, dans sa totalité, disent, Allah Azza wa Jalla a dit, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Le Hajj, ce sont des mois connus. Et Allah Azza wa Jalla a utiliser le pluriel, à utiliser le pluriel. Donc cela veut dire que c'est trois mois complets. Car quand est-ce que l'on parle de pluriel en arabe? À partir de trois. Donc il faut que les trois soient complétés. Donc les autres savants ont dit que les jours du Hajj s'étendent jusqu'à la fin de Dhul-Hijjah. Et Cheikh Al-Abbad dit, il n'y a pas de problématique également dans cela. Le fait que le Hajj se termine la nuit de Eid al-Adha n'est pas problématique, car il est utilisé, et cela est valable dans la langue arabe également, et dans beaucoup de versets cela est cité, le fait de citer le pluriel en... Il n'y a pas de problématique à citer le pluriel en voulant dire moins de trois mois. Il n'y a pas de problématique à citer les mois au pluriel en voulant dire moins de trois mois. Et cela est similaire à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate al-Tahrim, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Et ici, soyez attentifs, car il y a plusieurs sujets. Soyez attentifs pour distinguer, pour comprendre le sujet. Dans Sourate al-Tahrim, Allah Azza wa Jalla dit فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. C'est-à-dire, c'est que vos cœurs ont fléchi. Et ici, Allah Azza wa Jalla parle de deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sont Hafsa et Aisha radiallahu anha. Et on l'avait vu cela dans le tafsir de Sourate al-Tahrim. Car elles ont incité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'interdire une chose qui lui était autorisée. Et les savants du tafsir ont divergé. Certains ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit Maria, la copte, et d'autres ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit le miel. S'est interdit le miel qu'il mangeait chez l'une de ses épouses. Et la première explication est la plus connue et la moins authentique, celle de le fait que le prophète Hassan s'est interdit Maria la copte. Et la deuxième, concernant le miel, est la moins connue et la plus authentique. Et le prophète Hassan mangeait du miel, si mes souvenirs sont bons, chez Zainab radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha a dit à Hafsa que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera, de lui dire que quelle est cette odeur de miel-là, une sorte de substance sécrétée par les arbres et qui a une mauvaise odeur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, Hafsa radiallahu anha lui a dit est-ce qu'il y a une odeur de miel là? Et le professeur Hassan a dit non, c'est un miel que j'ai mangé chez Zainab. Et le professeur Hassan aimait le parfum. Et ceux qui aiment le parfum n'aiment pas sentir mauvais. Et donc il s'est interdit le miel qu'il mangeait chez Zainab. Et Allah Azza wa Jal a repris ces deux mères des croyants, radiyallahu anhun, notamment dans le quatrième verset de Surat al-Tahrim, « In tatouba faqad sarat qulubukuma » Si vous vous repentez, c'est-à-dire de ce que vous avez fait comme incitation au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'interdire une chose qui lui est autorisée. فَقَدْ سَرَتْ قُلُوبُكُمَا C'est que vos cœurs ont fléchi. Ici, Allah Azza wa Jal parle du cœur de qui? De qui? De Hafsa et de Aïcha, qui sont nombreux de deux. Elles ont combien de cœurs? Deux. Donc si on parle en duel, le verset aurait été فَقَدْ سَرَتْ قَلْبَكُمَا فَقَدْ سَرَتْ قَلْبَكُمَا Mais Allah Azza wa Jal dit فَقَدْ سَرَتْ قُلُوبُكُمَا Et ici, le mot cœur est au pluriel, alors qu'il parle de deux cœurs. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le pluriel pour vouloir dire le duel. Donc ici, c'est la première preuve que cela est autorisé. L'autre preuve est dans Sourate Al-Anbiya, le verset 78. Où Allah, lorsque Allah Azza wa Jalla parle de Daoud et de Sulayman, alayhim as-salam. Et Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit et nous étions témoins de leur témoignage. Ici, un berger est allé paître ses moutons dans le jardin et dans dans une peuplade, à l'endroit où il y a de l'herbe, où il y a des fruits, etc., de nuit, dans un endroit qui ne lui appartenait pas. Il a amené ses moutons de nuit pour pas qu'ils ne soient vus. Et les moutons ont fait un ravage dans son champ. D'accord ? Et ces personnes sont parties, étaient en désaccord et sont donc parties tout d'abord chez Daoud alayhi salam pour prendre de lui son jugement. Daoud alayhi salam leur a dit que le propriétaire du troupeau de moutons devait donner tous ses moutons au propriétaire du champ en guise de compensation. Puis ils sont partis voir Sulayman alayhi salam qui est le fils de Daoud, qui lui a jugé d'un autre jugement. Il a dit, le propriétaire du troupeau doit mettre à disposition tous ses moutons au propriétaire du champ. Il profitera du lait des brebis et de leur laine. Pendant ce temps, le propriétaire du troupeau se rendra dans le champ pour réparer la destruction et remettre le champ en état. Et lorsque le champ sera en état, eh bien les deux se changeront. Les deux s'échangeront leurs biens effectifs. Le champ sera rendu dans l'état où il était auparavant, et le propriétaire du troupeau récupérera ses moutons. Et Allah Azza wa Jal, en parlant du jugement de Sulayman, de Daoud et de Sulayman, ce sont combien de jugements qui ont été donnés? Deux. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ Et nous avons été témoins de leur jugement, au pluriel, alors qu'il s'agit de deux jugements. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le pluriel pour vouloir dire le duel. Également, cela a été cité dans Surat An-Nisa, dans le contexte, dans les versets de l'héritage. Dans le verset de l'héritage. Où Allah Azza wa Jal dit, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ Et s'il a des frères, alors à sa mère le sixième. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Et si le défunt laisse des frères, c'est là où il y a la subtilité. Ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé les frères au pluriel. Alors que s'il a des frères, alors la mère n'aura plus le tiers, mais elle aura le sixième. D'accord ? Le sixième. Il est connu dans la sunna que c'est à partir de deux. La mère n'a plus le tiers, mais elle a le sixième. Or, Allah Azza wa Jal a utilisé le mot frère au pluriel. « فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » Également, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqara, le verset 203, « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » Et celui qui décide de raccourcir à deux jours, alors point de mal pour lui. Ici, Allah Azza wa Jal parle des jours de Tashriq. On dit les jours de Tashriq, soit tu raccourcis à deux jours, ou soit tu restes à Mina et tu lapides les trois stèles pendant les trois jours de Al-Tashriq, que sont le 11e, 12e et 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Ici, Allah Azza wa Jalla dit « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ » Celui qui raccourcit à deux jours. Or, quand on regarde dans les faits concrètement, est-ce qu'il raccourcit deux jours ? Combien de temps il reste à Mina ? Hier, on a vu que la lapidation des stèles, la lapidation de la grande stèle le jour de l'Eid a lieu quand ? Avant le Zawal. Et on peut le faire avant le Zawal et après le Zawal, jusqu'au coucher, même la nuit. Concernant la lapidation des stèles, des trois stèles, pendant les jours de Tashriq, on a dit que ce moment commence quand ? Après le Zawal. Une personne qui décide de raccourcir. Donc il va rester le 11e jour de Dhul-Hijjah, le premier jour de Tashriq, il va rester entièrement à Mina. Il va lapider les stèles. Le lendemain, le 12e jour, d'accord ? Après le Zawal, il va lapider les trois stèles, puis il s'en va. Donc au final, il est resté combien de jours ? Il est resté combien de jours ? Un jour et demi. Car le Zawal, il a lieu à midi, à peu près. On l'a midi et demi, on va dire midi 30, midi 35. D'accord ? Donc concrètement, il est resté combien de temps ? Un jour et demi. Et Allah Azza wa Jal a parlé de deux jours. Donc quoi ? Il est autorisé de citer une chose en voulant dire une partie. Donc ici, Allah Azza wa Jal a cité les deux jours, mais il voulait dire par là, mais entre dans cela le jour et demi. Et il en est de même pour Ashhur al-Hajj. Allah Azza wa Jal a cité les jours, les mois du Hajj, mais est inclus dans cela les 10 jours de Dhul-Hijjah. Vous avez compris l'argumentation de Cheikh Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. ثم قال ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة لأن هذا المحرم لم يفرد العمرة في أشهر الحج. Il cite un cas de figure. Et si la personne entre en état de sacralisation pour le Hajj en dehors des mois du Hajj, comme celui qui entre en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage pendant le mois du Ramadan. Ici, il dit, hafizahullah, son ihram est valide. Il est en état de sacralisation. Mais il doit changer. Il doit changer et il passe du hajj à la umrah. Son ihram n'est plus un ihram pour le pèlerinage, mais c'est un ihram pour la umrah. Il devra faire le tawaf, devra faire le sa'i, il devra raser ses cheveux ou les raccourcir, et ensuite se désacraliser. Et cette umra qu'il aura accomplie ne sera en aucun cas une umra, la umra du tamattu'. Cette umra ne sera pas considérée comme la umra du tamattu', car il n'a pas accompli cette umra pendant les mois du pèlerinage. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.